kubarikiwa kila moja wetu. Aritutunga shie barisafiri. Na tunarudi katika salama. Nilichukua mke wangu tokea pa Lumbashi. Malheureusement, elle est souffrante. Lakini kwa bahati mbaya yuko mgonjwa. Elle est attaquée par le démon de la fièvre typhoïde. Mandemona ya fièvre typhoïde et de la malaria. Na malaria inamkumbanisha. Sinon tout s'est bien passé. Lakini vyote vilivyo kupitikana mzuri. La prédication du mariage s'était bien passée. Na maubiri ya ndoa na ilipitia mzuri. Il y a eu même deux âmes qui sont venues au Seigneur. Na kulikuwa na manafsi mbili ilikuja kwa Bwana, waliamini. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana mbariki. Le pasteur Mbuyu qui devait commencer la prédication aujourd'hui. Pasteur Mbuyu alipaswa kwanza mahubiri leo. N'a pas pu venir. Asikufike. Parce qu'il était dérangé dans son programme par la rentrée scolaire. Kwa maana alivurushwa mumapu yake na kurudia kwa masomo kwa watoto. Et il va nous fixer le jour qui sera libre pour venir prendre la chaîne. Na pale atatuambia wakati kani atakuya na wakati ayuko kuhubiri. Avant de retourner au Gabon. Mbele aye kurudia pale Gabon. Levons-nous pour la prière. Tusimame juu ya maombi. Sote pamoja. Nous te bénissons notre Père. Tunakubariki baba yetu. Parce qu'une journée nous a été accordée. Jusi kwingine tena Mungu tupachiayo. Pour nous humilier devant ta présence. Jua tupate kujinyekeza mbele wapo wako. Afin de te retailler selon ta volonté. Jua upate kutuchongola kupatana na mapenzi yako. Nous attendons le retour du Seigneur. Tukona chunga kurudi kwa Bwana. Nous ne pouvons pas l'attendre dans le péché, dans la distraction. Atuwezi kumchunga muzambi na mkulengama. Nous voulons l'attendre dans la sainteté. Napenda kumuchunga katika utakatifu. Et veillant sur tout ce qui se passe en nous et autour de nous. Na benye kukesha mubile vyote vinapitikana ndani yetu na kando kando yetu. Nous ne voulons pas dormir dans le péché. Atupende kulala mzambi. Mais nous voulons que nos lampes soient allumées. Lakini tunapenda mataa yetu ipate kuwaka. Pour ce grand jour. Jua ile siku mkubwa. Nous te bénissons pour le frère que tu as conduit et les soeurs que tu as conduit ici. Afin de recevoir une portion du jour pour que nous ayons la force de marcher. Comme tu le faisais, Seigneur, dans le désert. Et chaque jour, la manne tombait. Pour donner la force et la santé à Israël de marcher. Accorde-nous la portion du jour selon ta promesse. Il est dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Viens Seigneur et accomplis ta volonté en nous. Guéris les malades au milieu de nous. Console les affligés. Sauve les perdus Seigneur. Réponds à chaque prière qui t'a été adressée. Bénis toute l'église. Et tous les conducteurs. Na viongozi ya. Bénis la parole qui sera lue. Bariki neno itasomewa. Du début à la fin soit honoré. Mwanzo na kumwisho heshimiwe. Au nom de Jésus-Christ. Mujina la Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Dans 1 Corinthiens. Mukitabu ya Wakorinto wa kwanza. Au chapitre 10. Surake ya kumi. Dans son verset 11-12. Mustari yake ya kumi na moja na kumi na mbili. Nous prendrons aussi deuxième chronique 12. Na tutachukua tena mambo ya siku ya pili. Verset 1. Surake ya kumi na mbili, mustari ya kwanza. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. En nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Dans 2 Chronique 12, verset 1, lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume, et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. La cinquième année du règne de Roboam, Shasak, le roi d'Égypte, monta contre Jérusalem parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous savez tous qu'il est difficile d'entrecouper un enseignement. C'est ce que presque nous ferons avec la prédication que nous avons. Mais peu importe les prédications qui peuvent intervenir au milieu, gardez toujours la pensée de l'enseignement pour que nous puissions évoluer ensemble. Nous parlions de la chute de Roboam. Tunaanza kusemea juu kuanguka kwa Roboam. Ce roi qui s'était fortifié dans son royaume, huyu mfalme alijitia nguvu katika ufalme wake, a un temps, il s'était appuyé sur Dieu. Mwakati moja alimtumainia Mungu. Lorsque Jéroboam est tombé dans la folie de l'idolâtrie, wakati Jéroboam yari anguka mubajimu ya kuabudu sanamu. Jéroboam, dans le premier temps, il avait tiré une leçon dans la conduite de Jéroboam. Roboamu mwili nyakati ya kwanza alibeba mafundisho mumwenendo ya Yeroboamu. Il retourna vers l'Éternel comme nous l'avons dit. Akamrudiria wa milele kama vile tulimwambia. Après sa première faute qu'il avait commise, kisha kosa yake ya kwanza ile alitenda, lorsqu'il avait rejeté les conseils des anciens qui étaient avec son père, wakati alitupa shauri ya bazee bali barukua pamoja na baba yake, pour prendre les conseils des jeunes gens, juu ya kubeba shauri ya babiani, et par sa faute son royaume fut divisé en deux, na kupitia kosa yake ufalme wake ukagawanya vipande viwili. Maintenant, lorsque Jéroboam tomba dans l'idolâtrie, wakati Jéroboam alianguka mkuabudu sanamu, et ce dernier empêcher le véritable sacrificateur d'œuvrer dans son royaume d'Israël. Tout homme dans toutes les tribus d'Israël payait l'argent à Jéroboam pour qu'il le fasse un sacrificateur. Aranza kulipa mafuta kwa Jéroboam juu ya mufanya kwa mkoani. Et il prenait ce faux sacrificateur qui ne venait pas de la maison de Lévi, et il les plaçait dans les hôtels qu'il avait érigés. Les véritables sacrificateurs et les vides de la maison de Lévi, qui se trouvaient dans tout Israël, étaient dans l'obligation de quitter Jéroboam pour aller à côté de Roboam. Bale barukwa katika Israel bali lazimishwa kumtoka kumwacha Yeroboam na bende kule kuko Roboam. Et même tous les croyants à cœur sincère et honnête qui cherchaient l'Éternel de tout leur cœur abandonnèrent Jéroboam et allèrent suivre les sacrificateurs dans Juda. Na baminifu bote benye kwa na moyo wa haki na kunyoroka bariacha na bo Yeroboam jua kwenda kufuata bale bakwani bakweli mure mu Juda. C'est ainsi, comme l'avons déjà montré, le royaume de Jéroboam fut affermi avec les villes fortes qu'il avait construites, avec des magasins de vivres qu'il avait établis, où il avait placé l'huile et le vin, et dans chaque ville il y avait des boucliers et des lances de guerre. Il se protégeait lui-même et protégeait son royaume et de cette manière le royaume de Juda était vraiment fortifié. Mais nous avons aussi remarqué comment cet homme de Dieu est tombé. Comme nous venons de le lire ici, lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume et qu'il ait acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel. Wakati Roboamu alijitia nguvu ndani ya ufalme wake na yeye kupata nguvu, akamwachilia wa milele. Et tout le peuple d'Israël le suivirent dans sa folie. Na taifa yote ya Israeli kamufuata mubazimu yake. Et ce mercredi là nous avons beaucoup insisté là-dessus. Na ile mkazi tatu tulikazisha pale na kusema, je ne veux pas y revenir. Mimi siwezi tena kurudia hapo vya mingi. Parce que toutes choses sont enregistrées. Tu bintu vyote vya bibeba kwa matepi. Je faisais cela seulement pour faire une petite révision. Nianza kusema hivi kurudia mkiloko. Afin de bien évoluer. Je tupate kuendelea mzuri. Nous avons beaucoup insisté sur une pensée mercredi là pour montrer à l'église de Kambov et à chaque frère, à chaque sœur d'une manière particulière que souvent lorsque un homme, une église, une famille, une nation Testant sur de lui-même. Ya kama ni wakati yote mtu jama kanisa au taifa inajiona kama inakuya na nguvu yake mwenyewe. Il se sent qu'il n'a plus besoin de Dieu. Anaona kama yeye hahitaji tena Mungu. Et il commence à croire qu'il est fort, qu'il est riche, qu'il est en paix à cause de lui-même. Naanza kuona kama eko na nguvu, eko msalama ni kwa nguvu yake mwenyewe. Tout ce qu'il a c'est par sa force. Bila vyote uko navyo ni kupitia nguvu yake. Par sa sagesse, par son intelligence. Kupitia hekima yake na akili yake. Par son savoir faire des choses. Ye Mungu yeye anamna kanya kutenda bintu. C'est à ce moment-là que l'homme, que la famille, que l'église, que le prédicateur abandonne la parole de Dieu et tombe. Ni paile wakati ile mtu kanisa, taifa au mhubiri anaacha sauti ya Mungu na anaanguka. Ces choses ont été écrites. Ibi bintu bari byanjika. Pour nous servir d'exemple. Dieu pati kutusaidia kama mfano. Et cela nous sert aussi d'instruction. Na ile tena ni mafundisho kwetu. Pour que nous ne commettions pas les mêmes erreurs. Tushifanye na shie makosa moya moya ile. Voilà l'objectif fondamental pour lequel ces choses ont été consignées dans les pas de la Bible. Dieu yenye kifukushio ya muhimu Dieu abile bintu bari byanjika mu Biblia. Nous voyons comment ces grands hommes sont tombés. Kama tunaona vile abantu bakubwa bari anguka. Comment nous voyons les dénominations sont tombées. Kama tunaona tena mazebu nayo inaanguka. Comment nous voyons les grands hommes de Dieu sont tombés. Tunaona abantu bakubwa ba Mungu bena anguka. Comment nous voyons les églises sont écroulées. Tunaona vile makanisa inaanguka. Nous voyons comment les familles sont écroulées. Vile majamari anguka. Les individus sont tombés. De là nous sert d'une leçon à nous qui prétendons être debout servant le Seigneur. Ile na yona tupacha mafundisho shibale benkuwajia tuko benkushimama tunatumikia Mungu. Parce que pour que personne ne s'enorgueillisse. Ju kushukata mtu mmoja ajipatie kiburi. Il pense aujourd'hui qu'il est particulier, lui ne tombera pas. Ya yeye kuona leo ya kama yeye wakipekee astanguka. Ceux qui sont tombés avaient plus d'expérience que vous. Que bale bari anguka, bari kwa naonja mingi kupita wewe na mimi. Ce n'est pas qu'il marchait avec un faux Dieu, il marchait avec le véritable Dieu. Aina sema baranza utemea na Mungu wa Bongo, baranza utemea na Mungu wa kweli. Il n'avait pas une fausse parole, il avait la véritable parole. Hapo kulikuwa na neno wa Bongo, bari kwa na neno wa kweli. Il n'avait pas de faux serviteurs, ils avaient de véritables serviteurs. Avec le véritable Dieu. Avec le véritable serviteur de Dieu. Avec la véritable parole de Dieu. Néanmoins, dans leur orgueil, ils sont tombés. C'est eux qui ont abandonné la parole. Ils ont abandonné Dieu. Et ils ont abandonné les serviteurs. Et cela, c'est une leçon pour nous. Frère Branham dit ceci dans le message Humilie-toi. Mumahubiri ujinyenyekeze, ndugu Branham anasema hivi. Suivez très bien. Mfuate mzuri. Pas dormi. Musilale. Humilie-toi à la page 14. Ujinyenyekeze ukurasa wa 14. Dans son paragraphe 94. Nukta makumi tisa na ine. 95. Makumi tisa na tanu. Écoutez ce que le prophète dit. Msikilize kile nabii anasema. Quand vous lisez un peu dans le paragraphe 93. Kama unasoma pale nukta 93. Il dit ceci. Anasema hivi. Quand j'aurai la science de tous les mystères de Dieu. Hata wakati mitapata elimu ya kujua masiri yote ya Mungu. Vous voyez. Unaona. Encore là. Na pale. Quand bien même j'aurai tout ça. Hata kama mimi nitakuwa na vile vitu vyote vile. Si je n'ai pas la charité. Kama sina na mapendo. Je ne suis rien. Sina kitu. Vous voyez. Unaona. Je ne suis encore arrivé à rien. Misha afikia kwa tapa kitu. Voyez-vous. Unaona. L'essentiel c'est d'aimer Dieu et avec ça de vous humilier. Kia kawaida ni ya kupenda Mungu na ile kujinyenyekeza. L'essentiel, c'est d'aimer Dieu et avec ça, de vous humilier. Deux choses. Kia mafaa sana ni kupenda Mungu na kuile kujinyenyekeza. Quand vous voyez quelqu'un abandonner Dieu, cela signifie qu'il n'a plus l'amour de Dieu dans son cœur. Wakati munaona mtu anaacha Mungu. Maana yake ni kusema ana tena na mapendo ya Mungu ndani ya moyo wake. Et cela signifie qu'il a reçu l'amour du monde et l'amour des choses du monde et l'amour des choses du diable. Na maana yake ni kusema yeye anapokea mapendo ya dunia. Quelqu'un ne peut pas aimer Dieu et l'abandonner. Non. Muta wezi kupenda Mungu kichake amwachilie, hapana. Mais ce que Dieu nous demande, lakini kile Mungu anatuomba, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur. Ni kumpenda Mungu na moyo wetu wote. De demeurer dans l'humilité aussi longtemps que nous marchons avec lui. Na kudumu munyenyekevu wakati wote tuko natembea pamoja naye. Et c'est très important. Na ile ni amafa sana. Voyez bien mes frères. Nous n'avons pas pendoa. Voyez bien mes sœurs. Pendoa. Vous ne pouvez pas aimer Dieu. Amwezi kupenda Mungu. Tout en marchant dans l'orgueil, c'est incompatible. Na mkutembea tena wakati moyo wangu kiburi, hapana, haiwezi kuwezekana. Un homme devient orgueilleux lorsqu'il ne se soumet plus à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Mtu anakuwa wa kiburi wakati yote asijitishe tena kwa mapenzi ya Mungu. Il veut maintenant accomplir sa volonté. Anapenda sasa kutimiza mapenzi yake. C'est là que nous insistons. Je vous parle tout nakazisha. Comme nous l'avons dit en passant. Paka vile tulisema. Que notre marche avec Dieu. Ya kama mwenendo wetu pamoja na Mungu. Doit être continuel jusqu'à la fin de notre voyage terrestre. Inapasha kuwa wakati yote paka na kumwisho ya safari yetu pa dunia. Marche avec Dieu pendant 10 ans. Utaweza kutembea na Mungu mwaka 11 vous tombez. Na mwaka 11 unaanguka. Tu peux marcher avec Dieu pendant 30 ans. Utaweza kutembea na Mungu miaka 30. Alors 30 années vous tombez. Kwa 13 na moyo unaanguka. Tu peux marcher avec Dieu pendant 50 ans. Utaweza kutembea pamoja na Mungu miaka 15. Lakini mwaka wa 15 unamwacha. Kama na tulimwambia kama vile Biblia inasema la fin de toute chose, mwisho ya kila kitu. Est mieux que son commencement. Ndio ilikuwa mzuri sana kuliko mwanzo. Kwa hiyo ndugu frère, mna bandugu wapendwa. On crie pas victoire au début de la marche. Aba la mikake ushindi kumwanzo ya vita. La victoire est consignée à la fin. Ushindi ni mwisho ya vita ya safari. Voyez bien mes frères. Nous avons tout bapendo. Voyez bien mes sœurs. C'est pourquoi je vous avais dit. Ne vous glorifiez pas. Moi des anciennes expériences. Ya maonjo ya parce que Jésus est le même. Kwa maana Yesu. Yeah. Aujourd'hui. Leo, et pour toujours. Na cela signifie que toi et moi, wenami, nous aussi longtemps que nous sommes en vie, nous devons marcher avec Dieu dans l'humilité. Na Mungu, jusqu'à ce que. Mpaka wakati. Et notre séjour prendra fin. Safari yetu hapa dunia itashimama. Oui bien mes frères. Ya kweli ndugu mpendwa. Et frère Branham continue. Ndugu Branham anaendelea. Alors, hivi. Si vous voulez arriver quelque part avec Dieu. Kama unapenda ufike fasi fulani pamoja na Mungu. Ne laissez jamais un esprit arrogant venir autour de vous. Ushache kamwe roho ya majivuno ikuye kando kando na wewe. Si nous voulons aller quelque part avec Dieu, kama tunapenda tufikie fasi fulani pamoja na Mungu, si nous voulons arriver à la fin, kama tunapenda tufike na kumwisho, de notre séjour terrestre, ya safari yetu hapa pa dunia, et recevoir une couronne, na kupokea taji, et être proclamé vainqueur, tupate kutangazwa washindaji, ne laissons jamais, tuchate kamwe, un esprit arrogant, roho ya majivuno, autour de nous, kando kando yetu, ou en nous, au ndani yetu. L'église est avec moi, et kanisa iko pamoja na mimi. Quand vous voyez que tu deviens arrogant, wakati utaona kama unakuwa majivuno, vous êtes en danger. Uko katika hatari. Tu connais tout. Unajua vyote. Parce que tu as fait longtemps dans l'église. Tu unakawia mkanisa. Tu as écrit beaucoup de notes. Ushakuandika kaza bia bia mingi. Tu es connu par beaucoup de prédicateurs. Na baubiri ba mingi banakujua. Ta tête est bourrée de citations de versets bibliques. Mkicha uko na yua masemo ya ndugu Branham na maversi ya Biblia. Tu as les citations de frère Frank. Uko na yule ndugu Frank Artema. Tu connais tous les prédicateurs du Katanga. Unajua baubiri bote ba mjimbo wa Katanga. Voyez. Unaona? Cela commence à amener de l'orgueil et de l'arrogance en ile inaanza kuleta majivuno na kiburi ndani yako. Que vous n'écoutez plus même des bergers que Dieu a établis sur vous. Unafika na mkipima ushike tena wachungaji wale Mungu alikuwekea wewe. Ninakwambia ndugu, vous n'irez nulle part avec le Seigneur. Autenda mbali na Mungu. Vous tomberez certainement. Utaanguka kwa hakika. Comme Roboam. Kama vile Roboam. Et tombé lorsqu'il a abandonné le Seigneur. Vile alianguka wakati aliacha Mungu. Vous voulez aller quelque part avec Dieu. Ne laissez jamais un esprit arrogant venir autour de vous. L'église est avec moi. Ne soyez pas un geste tout. Aimez Dieu. Penda Mungu. Aimez les frères et les sœurs. Penda banduku na badada. Restez humble. Bakia mnyenyekevu. Soyez humble envers Dieu. Uwe mnyenyekevu mbele ya Mungu. Sa parole. Na mbele ya neno lake. Quand Dieu dit quelque chose. Wakati Mungu anasema kitu. Obéissez à la parole de Dieu. Utii neno la Mungu. Quand les hommes de Dieu te disent quelque chose. Wakati bantu ya Mungu wanakuambia kitu. Écoutez ce que les hommes de Dieu te disent. Sikia kile bantu ya Mungu wanakuambia kwa upande wa Mungu. Soyez gentil. Ukuye soyez doux avec Dieu. Soyez doux avec l'église. Wa upole mbele Mungu na kanisa. Avec les hommes de Dieu. Na mbele ya watumishi Mungu. Oui bien mes frères. Na kweli ndugu mpendwa. Oui bien mes sœurs. Na kweli dada mpendwa. Si vous devenez arrogant. Kama unakuwa majivu. Vous ne comprenez plus rien. Auelewe tena kitu. Dans ce que disent les hommes de Dieu. Wale bantu wa Mungu bena sema. Vous devenez maintenant orgueilleux. Unakuwa wa kiburi. C'est fini. Unakuisha. Vous tomberez. Utanguka. Vous voyez. Unaona? Aimez Dieu. Penda Mungu. Aimez les frères. Penda banduku. Soumettez-vous au Seigneur. Ujitishe kwa Bwana. Obéissez à la parole. Utii kuneno. Restez toujours humble devant Dieu. Ubakie wakati wote mnyenyekevu mbele ya Mungu. Et Dieu nous bénira. Na Mungu atatubariki. Vous voyez. Munaona? Mais écoutez maintenant. Sasa msikilize hapa. D'habitude. Wakati kwa zoezi. Je suis au paragraphe 95. Nukta makumi tisa na tano. D'habitude. Kwa zoezi. Quand une église commence à grandir en nombre. Wakati kanisa inaanza kunenepa mwingi ya bantu. Et à devenir un peu plus grande. Na inaanza kuwa kumunene. Ou quelque chose comme ça. Au kama vile. Alors. Na pale. On s'éloigne de ce qui est authentique. Banaacha kile kia kumwanzo. De la chose authentique. Banacha kitu kia kumwanzo kile. De ce qui a été reconnu dès le début comme étant la vérité. Ah, kile kiweza kujuruka tangu mwanzo kama ndio kia kweli. Frère. Ndugu. Quand je lis ça. Wakati nasoma hii. Je dis, je dois veiller. Mina sema napasha kukesha. Quand l'église entend ça. Na wakati kanisa inaelewa hili. L'église kambovu doit veiller. Kanisa kambovu napasha kukesha. Why bien mes frères. Muna banduku wapendo. C'est pourquoi. Joko amani. Nous aimons nous. Chie tunapenda. Chie. Cet évangile, ce vieil évangile. Ile njili anzamani. Ce vieil évangile. Njili anzamani. Qui blesse nos sentiments. Ile iko na. Qui nous corrige. Miza mania yiko. Qui nous redresse. Kutunyolosha. Qui nous laisse pas la liberté. De faire n'importe quoi. Vous voyez. Cet évangile. Qui nous laisse dans la soumission. De la parole de Dieu. Sous la soumission. De Christ. Cet évangile qui nous rappelle. Régulièrement. Que nous ne sommes pas libres. De faire ce que nous voulons. Nous sommes des esclaves de Christ. Voilà l'évangile dont nous avons besoin ici à Kambo. Que toutes les églises abandonnent cela. Nous voulons garder ce qui est authentique. Ce que nous avons reconnu comme étant la vérité. Dès le début, qui nous a conduit à marcher avec Dieu. Jusqu'à maintenant, les choses qui nous maintiennent dans la foi. Jusqu'aujourd'hui, nous voulons maintenir ces choses. Jusqu'à la fin de notre voyage terrestre. Terrestre. Nous ne voulons pas les changer. Parce que nous les avons reconnus comme étant la vérité. Ces choses qui nous ont aidés. Ni vile binti ndio tu saidia. Tutaona abandonné comment. Tutabiacha mna namna gani? Wa bien mes frères. Na bandugu bapendwa. Deke fwe bana me dit. Iki ndugu bana anasema hapa. Toutes nos assemblées du message du temps de la fin. Kanisa yote ya wakati wa mwisho inaanguka pa hii. qu'on le veuille ou pas, c'est la vérité. Ukipende au pende, njo kweli. Il y a un relâchement. Kuna kwa kuachilia. Terrible dans toutes nos assemblées. Kwa mbaya sana mu makanisa yetu. C'est pourquoi vous remarquez, la mondanité s'est infiltrée. Les pasteurs et les prédicateurs sont fatigués. Ils veulent maintenant vivre d'une manière un peu plus aisée. Ils veulent vivre maintenant d'une manière un peu plus aisée. Ah, ils sont un peu, ils se sentent un peu libres. L'église aussi veut se sentir un peu stressée dans ce qu'elle fait. Ainsi on laisse un peu de péché. Petites choses là. Des choses qu'on condamnait maintenant. Nous avons grandi. Maintenant ça c'est pour les bébés. Nous voulons ces choses des bébés là. Ce sont les petites choses qui font de nous des véritables chrétiens. Ce ne sont pas les grandes choses que nous faisons qui font de nous des véritables chrétiens. Ce sont des petites choses que nous négligeons qui font de nous des véritables chrétiens affermis en Christ. Vous voyez bien mes frères, quand une église commence à devenir, à grandir en nombre, quand le nombre ajoute, quand les membres dans une église s'ajoutent, il y a aussi un grand nombre de faux frères et de faux sœurs et de faux serviteurs qui s'ajoutent dans l'église. Nako kuna tena wingi ya banduku babongo, badada babongo na babongo. Quand une église grandit en nombre, wakati kanisa inaongezeka muwingi, il y a aussi Pukotena, beaucoup de faux croyants et beaucoup de faux serviteurs qui s'ajoutent aussi en nombre. Quand les faux augmentent en nombre, la puissance de séduction du diable devient aussi très grande. Quand beaucoup de faux croyants augmente en nombre dans l'église, le nombre aussi du péché augmente dans l'église. Le nombre de désobéissants, le nombre de rebelles ajoute aussi dans l'église. Vous voyez, quand dans la masse, il y a les faux qui s'ajoutent en nombre. Ici, du haut de la chair, il y a aussi des faux qui s'ajoutent aussi. Vous voyez, quand les faux diront quelque chose, quand les faux prédicateurs qui se trouvent du haut de la chair diront quelque chose de faux, la grande masse, des faux croyants et des fausses sœurs qui se trouvent dans l'assemblée embrassent les pensées méchantes, embrassent les pensées fausses, et cela étouffe les petits nombres de véritables croyants. Quand l'église était petit en nombre, les gens s'aimaient avec sincérité, les gens priaient avec sincérité, les gens se visitaient. Il n'y avait pas de calomnie, il n'y avait pas de médisance. Mais quand l'église augmente en nombre, les gens ne prient plus. Vous voyez, pas que cette masse de gens qui affluent dans l'église, ce n'est pas la masse qui vient de Christ. La plupart ce sont des démons. wakati amingi ni mademona, qui viennent pas avec l'objectif d'être sauvés, mais qui viennent seulement pour fraterniser avec l'église. Ce sont ces hommes et ces femmes qui n'ont pas l'objectif d'être sauvés, qui dérangent l'église parce qu'ils veulent rester membres d'église, mais ils ne veulent pas être des enfants de Dieu. C'est vrai. C'est la vérité. Il est nkweli. Si vous voyez les choses ne marchent pas. Ils sont là. Les faux sont là, ils disent. Nous voulons voir la puissance de Dieu. Nous voulons voir Dieu agir dans l'église. Mais Dieu va agir avec des faux sceptiques. Non. Apana. C'est ça le problème. C'est pourquoi nous veillons. C'est pourquoi nous ne voulons pas entendre des gens qui nous racontent des frères et des sœurs. Oh, j'étais quelque part. On fait ça. On fait ça. Nous n'acceptons pas. Nous n'aimons pas ça. Vous voyez bien mes frères. Nous voulons seulement rester sous l'influence de l'Esprit de Dieu qui nous a conduits dès le début et qui nous maintient aujourd'hui dans la présence de Dieu. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas de nouvelles choses. De nouveaux raisonnements. De nouvelles orientations. Non, bien-aimés frères. Non, bien-aimés sœurs. C'est vrai. Quand d'habitude, quand une église commence à devenir, à grandir en nombre, et à devenir un peu plus grande, ou quelque chose comme ça, alors, on s'éloigne de ce qui est authentique. On s'éloigne de la chose authentique. C'est pourquoi nous refusons de voir les sœurs ajouter les fils dans leurs cheveux. Non. De poudre dans les yeux, non. C'est ce qu'on appelle les fonds de teint. Des fonds de teint, c'est du diable. Nous ne voulons pas cela. Voyez. C'est ça le mal. Mais l'homme est naturel. Quelqu'un qui a déjà abandonné Dieu, lui se flatte du nombre. Dieu nous a bénis. Mungu nous avons construit un grand tabernacle. Maintenant, les croyants débordent même dehors. Ils sont dehors. La bénédiction d'une église, ce n'est pas la construction d'un grand bâtiment. Ce n'est pas l'augmentation de ses membres. Ce n'est pas la bénédiction financière ou matériel qui apparaît dans les membres. Ce n'est pas beaucoup de dîmes qui affluent dans la quête de l'église. La bénédiction véritable d'une église, c'est lorsqu'il y a des frères et des sœurs qui naissent de nouveau, qui sont baptisés du Saint-Esprit. Il vit une vie sainte. Voilà la véritable bénédiction. Nous ne devons pas nous voiler la face. Les sœurs commencent à changer de vêtements chaque jour. Ils changent de vêtements, les frères, chaque jour. Les pasteurs changent de vêtements tous les jours, des souliers. Tout ça, c'est bien. Ils sont habillés en belles cravates. Tout ça, c'est bien. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ce sont des choses qui nous font oublier notre objectif. Les ans matériels nous font oublier notre objectif. Nous commençons à croire que nous sommes du monde. Non, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des pèlerins. Et cette pensée-là ne s'éloigne pas de nous. Nous avons écrit ce message, c'est pour aller dans l'enlèvement. Amen. Nous ne devons pas nous voiler la face avec les grands bâtiments que nous avons construits. Non, frère. Non, ma soeur. Nous voulons garder Dieu au milieu de nous. Frère, là, à Kambo, vous êtes devenu combien? Maintenant, nous sommes 1000. Ah, Dieu a béni l'église. Ce n'est pas ça la véritable bénédiction. Quand l'église augmente en nombre, beaucoup de péchés, manzambi ya mingi, commencent maintenant à apparaître. La prostitution, Bundumba. Des choses qu'on ne pouvait pas nommer dans nos tabernacles quand on était en petit nombre. Mais aujourd'hui, Léoï, les pasteurs ont perdu le contrôle. Vous voyez, ils ne connaissent plus même leurs brebis. Ils ne savent même pas comment ils vivent. Maintenant, chacun vit pour soi. Vous voyez, des prostituées dans l'église, des fumeurs dans l'église, des voleurs dans l'église. Vous voyez bien mes frères, on arrive dans l'église, les gens viennent pour écouter la parole, les autres viennent pour voler les téléphones. Les uns viennent pour écouter la parole, les autres viennent voler l'argent dans les sacs des frères. Dans l'église de Dieu vivant. Qu'est-ce que c'est ça? L'église a augmenté en nombre. Aujourd'hui, la haine, même si on condamnait ces choses-là, tellement qu'il y a des démons qui se sont ajoutés, ils ne peuvent pas se soumettre à la parole de Dieu. Peu importe comment on expose la parole clairement, ils ne peuvent pas écouter. Ils marchent dans l'orgueil. Si tu ne peux plus te soumettre à la parole, tu es devenu arrogant. Tu es déjà tombé. Vous voyez bien mes frères. Même l'esprit de là de la Odyssée. Les gens veulent seulement être libres dans le péché, mais qu'ils demeurent néanmoins membres dans l'église. C'est faux. C'est la raison fondamentale pour laquelle nous avons quitté les dénominations. Les dénominations, ils parlent de la parole, mais ils ne vivent pas la parole. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes sœurs. Et quand les gens augmentent en nombre, comme ils veulent vivre dans le péché, ils commencent à interpréter à leur manière la parole de Dieu. Ils ont la démangeaison d'entendre les choses agréables. C'est ça le mal. C'est vrai. Tout le monde dans l'église mange le matin, mange à 12h, mange le soir. Le 80% de l'église, chacun a une maison, il n'est plus locataire. Et quand quelqu'un regarde, il dit Dieu merveilleux, Dieu nous a bénis. Et les gens abandonnent la parole. Ce qu'ils faisaient, ils arrêtent de le faire. Ce qu'ils ne faisaient pas, ils commencent à le faire. Quand quelqu'un abandonne la parole, il commence à apprécier ce qu'il condamnait. Roboam a condamné Jéroboam pour avoir chasser les sacrificateurs et les lévites dans son royaume. Pour avoir établi des hauts lieux. Pour avoir créé des statues et des idoles. Dans il a condamné cela. Mais voilà Roboam, le même monsieur. Quand il abandonna la parole, pale anacha neno. Il ne pouvait plus condamner les hauts lieux. Lui-même a construit des hauts lieux. Lui-même a commencé à offrir des sacrifices les hauts lieux en Juda. Quand il abandonna la parole, vous voyez, lui-même, il a lâché Dieu dans, il a lâché Dieu. Et il a invité Satan. Na kualika shetani. Comme nous l'avons montré autrefois. Et même les prostituées sont en vrai. Au lieu de suivre Dieu, Roboam imitait toutes les abominations des nations. Les choses qu'il avait abandonnées. Les choses qu'il avait condamnées. Parce qu'il se sentait fort. Il se sentait sécurisé. Oui, bien aimé frère et sœur. Frère Branham est un prophète. Frère Branham est un prophète. C'est pourquoi nous ici à Cambodge, nous ne voulons pas dormir. Nous, chacun de nous, les pasteurs, les prédicateurs, les diacres, les conseils de l'église, les membres laïcs doivent veiller. Ce n'est pas le problème, moi j'ai 30 ans dans le message. Ça fait maintenant 40 ans. Nous voulons à la 41e année voir Dieu en vous. C'est ce qui nous intéresse. Vous voyez bien mes frères. Pas vous recevez de mauvais esprits. Vous interprétez la parole de Dieu d'une mauvaise manière. Vous avez un faux discernement. Le péché Zambi amène dans les croyants un faux discernement. Un faux discernement avec les yeux des croyants. De telle manière, ils ne peuvent plus distinguer la vérité et les mensonges. Ce qui est bon et ce qui est mauvais. Voilà la séduction. C'est ce qui arrive à tout homme qui abandonne la parole. On appréciait des longues jupes. Quand quelqu'un a Dieu, quand l'église conserve encore la parole, ils apprécient des longues jupes. Quand maintenant l'église abandonne, abandonne Dieu. Maintenant, ils apprécient les jupes courtes. Non, frère, il ne faut pas pécher. Il commence à dire. Oh frère, oh pasteur, il ne faut pas vêtir nos femmes et nos filles comme des vieilles mères du 16e siècle. Il fermait, il portait bien, corps fermé, corps caché. Maintenant, on voit les dos nus. Vous voyez, c'est Satan. On voit les sœurs. Tous les habits internes sont visibles. Il dit non, c'est ce qu'on vend au marché. C'est de l'apostasie. Pas bien, mes frères. D'habitude, quand une église commence à grandir en nombre, d'habitude, quand une église commence à grandir en nombre, les membres affluent dans l'église, l'argent afflue dans l'église. Vous voyez, les gens abandonnent la chose authentique. Ils s'éloignent de la vérité. Oui, frère. Oui, ma sœur, les gens se mariaient entre croyants. Maintenant, on dit même si vous trouvez un nez de nouveau dans l'église catholique, vous pouvez l'épouser. Quel mensonge. Il va naître de nouveau avec Je vous salue Marie. Il si nous prêchons la parole avec clarté, dans toute la vérité, il y a les 90% des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Par mon catholique, makumi tisa, abazaru kama la pili. Par mon catholique, je vais t'assurer que la pili mule. Ce sont de l'évangile de flatterie. Il est ni maubiria kubembeleka. Un évangile de connaissance. Maubiria kupatia tu elimu bantu. Quand la connaissance augmente, wakati elimu inaongezeka, la foi diminue. Imani inachukua. Mais la connaissance du Saint-Esprit conduit l'église à la vie de Christ. Inaongoza kanisa mu maisha ya Kristo. Une connaissance intellectuelle. Ufahamu wa elimu. Détruit la vie de croyants. Iko na haribu maisha ya Kristo. Et quand l'église augmente en nombre, inongezeka mwingi, les gens sont bénis matériellement, bantu banabarikiwa mkimwili, les brebis ou les croyants bankondola ou bamini deviennent des matérialistes. Banakuwa bantu wa kupenda vitu ya kimwili. Ils placent leur foi et leur bénédiction. Banaweka imani yabo mwe mabaraka yabo. Ils l'égalent aux choses matérielles. Banaweka aux choses imani financières. Vitu ya kimwili mumakuta. C'est vrai. Ni kweli. D'habitude. Wakati yote. Quand une église commence à grandir en nombre et à devenir un peu plus grande ou quelque chose comme ça, alors on s'éloigne de ce qui est authentique et de la chose authentique. Oui, bien-aimés frères. Oui, bien-aimés sœurs. Nous devons demeurer dans l'humilité. Oui, bien-aimés frères. Satan ne dort pas. Satan ne peut pas désarmer. L'objectif de Satan est d'abattre le royaume de Dieu. Quand Roboam marche avec Dieu, Satan n'était pas content. Il voulait faire tomber le royaume de Juda. Il avait fait tomber le royaume d'Israël avec Roboam. Vous voyez bien mes frères, même aujourd'hui Satan ne dort pas. Satan ne craint pas le message du temps de la fin. Satan ne craint pas le message du temps de la fin. Satan ne craint pas le tabernacle. Satan ne craint pas. Comme il a fait tomber les luthériens, il a fait tomber les méthodistes, il a fait tomber les pentecôtistes, il avait tombé l'église de réveil. Satan est en train de pourchasser le message du temps de la fin pour le faire tomber en dénomination. Vous dormez. Vous récolterez pour votre compte. Mutavuna kule munafanya. Vous bien mes frères. Munabanduku bapendwa. Quand une église abandonne la parole, wakati kanisa elle commence à minimiser des choses. Après ça, non, il ne faut pas être dur. Vous exagérez. C'est le langage des rétrogrades. Ile ni musemo ya bantu basharudia ku mukongo. Frère, Ndou, ma soeur, Dadan, Satan ne craint aucun réveil. Chétan, il n'a jamais eu peur d'aucun réveil. Il n'a jamais eu peur d'aucun prédicateur. Frère, Satan, Chétan, il est téméraire. Yanguvu, il est allé tenter même Jésus. Arienda na kujaribu Yesu. Son créateur. Mwenye mumbaji wake. Il est allé frapper à sa porte. Anenda kumkola kumulango wake. Satan est téméraire. Satan yeko narika makama sana. Il frappe à la porte de tout homme. Kumkola kumulango wake kila mtu. Pardon mes frères. Unaona mbingu mpenzi. Anenda même dans le ciel. Anenda na mbingu mwenye. Jehovah est assis. Anakuta Yehova Shetani. Avec des anges dans la nuit. Na malaika mwenye. Il entre là. Mumtani kwa Shetani anaingia mtu. Satan, hein? Tu te moques de Satan? Tu n'es même pas né de nouveau. Ah oui, quoi, dit, hey, vous devez comprendre que non, pas cette église de Kambovi, Ikanisa Kambovi, elle est dans le visée du diable. Et comme mon Satan, L'objectif de Satan, kifukuzo shetani, c'est de faire tout ce qui a son pouvoir. Ni kufanya yote ataweza kuweza. Brûler cette église. Ya kuangusha hii kanisa hii. C'est vrai. Ni kweli. Il est en train de mijoter. Eko nafunga kitu moya. Ah! Il est en train de mijoter. Eko nafunga kitu moya. Quelque chose. Kitu fulani. Qui va écrouler les Kambove Tabernacle. Ni kitaweza kuangusha Kambove Tabernacle. Si tu ne veilles pas, kama wao keshi, tu seras la cible du diable. Wenje utakuwa kifukuzo cha shetani. Tu seras l'instrument du diable. Utakuwa ndio chombo cha shetani atakuwa. Pour écrouler cette église. Tu kuangusha hii kanisa. Et vous payerez pour ça. Na wewe utaripa juu ya hili. C'est vrai, frère. Nkweli ndugu. L'objectif de Satan. Kifukuzo cha shetani. Sur cette église de Kambo, c'est de l'affaiblir et d'amener tous les démons de Kambo ici et de chasser complètement le Saint-Esprit comme l'avait fait dans l'Éphèse. C'est un guerrier. C'est vrai, frère. Il est en train de préparer lentement quelque chose pour écrouler le message du temps de la fin, pour éloigner cette église de la vérité. Si nous ne veillons pas, il le fera. S'il ne fait pas avec nous, même la génération qui vient avec nous, si elle ne prête pas attention, elle s'écoulera. S'il ne le fait pas avec la génération qui vient avec nous, la troisième génération ou la quatrième va s'écrouler. C'est pourquoi chacun de nous ici a un intérêt particulier d'enseigner sa propre maison, la parole de Dieu, tenir sa maison dans la solution de la parole, parce que ce sont les croyants de demain. Si Dieu, si Satan manquait à nous utiliser, nous aujourd'hui, parce que nous veillons, il va utiliser la génération derrière nous, nos enfants, que nous n'avons pas tirés aux oreilles. Vous voyez? C'est vrai, frère. Il n'y a aucun endroit où le réveil est passé de Dieu, où Satan n'est pas allé pour faire tomber ce réveil. Je vous ai déjà lu ici dans cette église. Lorsque Dieu commence un réveil, Satan est derrière ce réveil pour le faire tomber en dénomination. Il prépare ses pièges lentement, minutieusement. Muzuri. C'est un guerrier. Ni Satan est patient. Eko, dans ce plan, Satan est patient. Eko, mvumilivu, c'est vrai, frère. Ni kweli ndugu. Voilà, il est tombé. Tazama nanguka. Il a abandonné la parole. Anaacha neno. Et pourtant, il avait Dieu. Ijapokuwa alikuwa na Mungu. Roboam avait les serviteurs de Dieu. Batumisha Mungu. Il avait le temple. Alikuwa na il avait les hommes de Dieu qui lui enseignaient la parole. Alikuwa na bantu wa Mungu wale mufunza. Mais il a abandonné la parole. Ona yeye anaacha neno. Il devient arrogant. Anakuwa wa kiburi. Les prostituées sont venues. Na bakaba banonekana. Comme aujourd'hui nous voyons dans les messages, des jeunes gens se prostituent dans l'église, des jeunes filles se prostituent dans l'église. Tout ça c'est quoi? De la légèreté. Oh, trop de discipline, vous, trop de discipline. Quand il n'y a plus de discipline, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Ils se conduisent comme ils veulent. C'est vrai, frère. Pour terminer, je vous lis encore dans l'Humilitoire. Au paragraphe 40 à la page 7. Tradition Canada. N'oubliez pas ceci. Mushisawi. Ce tabernacle perdra sa force. Iye kalu. Itapoteza nguvu yake. Souvenez-vous que cet endroit est la cible sur laquelle Satan a braqué tous les fusils de l'enfer. Mukumbuke wakati yote akama ifa chini. Je vais m'arrêter parce que il me reste quelques poussières de secondes. Mukumbuke wakati yote akama ifa chini. Vous dormez? Et tu mnalala? Réveillez-vous. Mulamuki. Écoutez. Musikie. Souvenez-vous. Mukumbuke wakati yote. Que cet endroit. Akama ifa chini. Est la cible sur laquelle Satan kile shetani a braqué Aisha kuangarishisha tous les fusils de l'enfer. Masila yake yote ya kutokea mgeni. Il poussera une personne à faire quelque chose qui est contraire à ce que l'autre pense. Atasukuma mtu afanye kitu kenye kwa kipindupindu na kile mwingine na wajia. C'est ça qu'il fait. Ndio vile anafanya. C'est ça qu'il mijote. Ndio kile kuna utunga kufanya. Eko na tayarisha. Ena tayarisha. C'est son affaire. Ndio kazi yake ile. S'il peut amener quelqu'un dans cette église ici à dire ou à faire quelque chose, kitu fulani, quelqu'un a parlé afikishe mtu de quelqu'un d'autre aseme mtu et a dit, aseme, vous voyez, naona, eh bien, na pale. Écoutez, Mushiki. Est-ce que tu sais ce qu'un tel a fait? Tu sais ce que le pasteur a fait? Tu sais ce que l'ancien a fait? Tu sais ce que le diacre a fait? Tu sais ce que l'autre sœur a fait? Tu sais ce que l'autre sœur a fait? Voyez, n'écoutez pas ça. N'écoutez pas. N'écoutez pas ça du tout. C'est le diable. Vous voyez, c'est Satan. N'allez pas croire à cela. Prenez cela à cœur. Voyez bien mes frères. Vous voyez dans l'église. Nous avons il parlote là. D'akusema sema biko natoka kwa shetani. Et soir qu'on parlote là, j'ai dit diable. Unaona frère. Si vous voyez un frère. Unaona dada. Eko na biakusema sema. Elle a toujours des choses à dire. Ni chombo ya shetani. C'est un instrument de Satan. Dans l'église. Mukanisa. Les mécontents. Bale bashipo kufurahia. Les insatisfaits. Bale bwa bafurahia yake. Sont des armes de Satan. Ni masila ya shetani. Sont des instruments de Satan. Ni masila ya shetani. Pour détruire l'église. Ya kubomola kanisa. Et ces choses apparaissent dans l'église quand l'église abandonne la parole. C'est pourquoi avant de parler, avant de poser un acte, vérifier si ce que tu fais là, si ce que tu dis là est conforme à la Bible. Pas à ta pensée. Ne prenez pas tes pensées pour venir les voiler avec les versets. Non. Prenez ta pensée, soumettez-la à la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes liés au temps. Respectez-le. Lève-nous pour la prière. Si tu commences à manger bien dans ta maison, kama unaanza kulia mzuri mkanisa kuna la nyumba kuna una manguo una kazi bwana anakuleta masaki mbili ya bunga usiwazi kuanzia sasa njoo baraka hivi quand tu n'avais pas la farine tu priais au kwenda bunga unaenda kuomba hapo unakuwa na bunga unaomba tena quand tu n'avais pas d'habitude priais hapo na manguo unaenda kuomba hapo sasa unaomba manguo mingi uomba tena unaona quand tu étais locataire pale ulikuwa locataire unaenda kuomba hapo unaona ka nyumba uomba tena quand tu n'avais plus tu n'avais pas le travail tu fais pas la cage rien de comme ça c'est les chinois avec des $100 chinois avec des $100 au bac et tena que celui qui a des oreilles moyen quoi la machikio entende achikie ce que l'esprit dit il est roi on a sema à l'église de Kambo kanisa Kambo prions nous tous ensemble tombe jote pamoja.